Sarah Raison aurait donc commandité son propre meurtre. Et du coup, ce serait Tiphaine Murmure qui se serait fait... Oh là là, je comprends plus grand-chose, hein. Mais je pense que vous devriez commencer par souffler un bon coup avant de raconter n'importe quoi.